comprendre. En été comme en hiver, les usines ne crachaient pas le notre air. Tout ça, c'est bien inquiétant pour l'avenir des enfants. La vie sur la terre est un grand mystère, peut-être le plus grand dans l'univers. Fais attention, fais pas l'imbécile, tout ça c'est fragile. Bientôt il n'y aura plus de poissons dedans. Des oiseaux morts sur la plage, du pétrole sur nos rivages. Ceux qui viendront après nous chanteront-ils que nous étions des fous qui se cachaient la tête dans le sable, qui ont tué tous les érables. La vie sur la terre est un grand mystère, peut-être le plus grand dans l'univers. Fais attention, fais pas l'imbécile, c'est le temps d'agir, il le faut. Chacun dans son entourage doit en parler, faire circuler le message dans un poème ou dans une lettre, respectant notre planète. La vie sur la terre est un grand mystère, peut-être le plus grand dans l'univers. Fais attention, fais pas l'imbécile, tout ça c'est fragile. La vie sur la terre